بسم الله الرحمن الرحيم. ندخل اليوم في درس 67 question. عفوا chaque fois je me trompe, 67e leçon. في السؤال الثالث عشر بعد 400. Quelle est la 13e question? Je le rappelle, parfois je saute des questions. Donc si jamais vous voyez que l'ordre ne convient pas, c'est que c'est volontaire. قال المؤلف حفظه الله تعالى ماذا كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ Quel était le comportement du prophète Mohammed صلى الله عليه وسلم؟ Son comportement était celui du Coran. C'est-à-dire, quand on le voyait, on voyait à travers lui les applications du Coran. L'application du Coran. Comme dans le hadith de Saad ibn Hisham ibn Amir, parce qu'il interrogea Aïcha de lui informer du comportement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Qalat alasta takra al-Qur'an? Qultu bala. Qalat fa inna khuluqa an-nabi sallallahu alayhi wa sallam kana al-Qur'an. Donc elle a dit à Saad, ne lis-tu pas le Coran? Il dit si, en effet. Elle dit, le comportement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'était le Coran, rapporté par Muslim. Et la question qui va par la suite, qui est la Rabi Asha, Bab Arba Amiya, 414e question. Man huwa ahsanun nas khuluqan? Qui est celui qui a le meilleur des comportements? Et ça, c'est une question à laquelle on n'a même pas hésité à répondre, qui est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comme a déjà fait le hadith Anas ibn Malik, on a dit, Kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, أحسن الناس خلقا متفق عليه الناس apporté que le prophète sallam était celui qui, l'homme qui avait le meilleur comportement. Alors comme encore le ta'ala في كتابه إنك لا لا خلق عظيم, tu es sur un comportement qui est très grand, dans le sens un très très bon comportement. ثم قال في السؤال الى 15 بعد 400 415 question. هل كان ذو عفوا سلام لا صوت بتو 416 question. اذكر بعض الذين اشبهوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. Il cite certaines des personnes qui ressemblaient au prophète صلى الله عليه وسلم. Donc en premier lieu, le Nabi صلى الله عليه وسلم lui-même قال انا اشبه اولاد بابراهيم. Je suis celui parmi les fils d'Ibrahim qui lui ressemble le plus. C'est-à-dire que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam ressemblait beaucoup à Ibrahim alayhi salam. Parmi les gens qui lui ressemblaient beaucoup, il y a Al-Hassan ibn Ali, son petit-fils. Al-Hassan ibn Ali. Kama zakarahu Anas. Il avait dit qu'il ne voyait personne qui ressemblait plus au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam que Al-Hassan. Hadith apporté par Bukhari. Également Ja'far ibn Abi Talib. Ja'far ibn Abi Talib. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit Ashbarta khalqi wa khuluqi. Tu me ressembles en apparence et en comportement. Apporté par Bukhari. Il y avait Kazalik. Kuthem ibn al-Abbas ibn Abdul Muttalib. Lui aussi ressemblait énormément au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et sa fille Fatima, كما جاء ذلك عن عائشة رضي الله عنها قالت ما رأيت أحدا أشبه سمتا ودلا وهديا برسول الله صلى الله عليه وسلم في قيامها وقعودها ومن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. Elle a dit, je n'ai vu personne ressembler autant au prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans la guidée, dans son comportement, dans ses mouvements, que Fatima, sa fille. Et le hadith, Rawahu al-Tirmidhi. Et également, il y avait Abu Sufyan ibn al-Harith, Sakhr ibn Harb. Abu Sufyan, qui au début était connu pour étant ceux qui sont opposés au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qui par la suite sont rentrés à l'islam et sont devenus parmi les meilleurs des compagnons. D'accord. Il ressemblait au prophète sallallahu alayhi wa sallam. ثم قال في السؤال السابع عشر بعد 400 417e question. اذكر بعض اولاد النبي صلى الله عليه وسلم. بل اذكر اولاد النبي صلى الله عليه وسلم. Cite ses enfants. Ses enfants furent Ibrahim, wa al-Qasim, et Abdullah, et Fatima, et Kulthum, wa Ruqayya, wa Zainab. Abam et Zainab. Ses enfants sont connus. ثم قال في السؤال الثامن عشر بعد أربعمية كيف سنت في جم كيستيون من أي زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم كان أولاده de laquelle de ses épouses ses enfants étaient-ils كلهم من خديجة إلا إبراهيم فمن ماريا القبطية سريته أو سريته. Donc tous ses enfants étaient de Khadija, hormis Ibrahim, qui lui était de sa servante, qui était Maria al-Qabtiya, une égyptienne. Tous les enfants étaient de Khadija. Et d'ailleurs, Aïcha n'a jamais été plus jalouse d'une personne que ce n'était de Khadija. Et le ulama ont divergé entre qui était la meilleure de ses épouses, est-ce que c'était Khadija ou Aïcha. Et car on sait de son vivant, par la suite, que Aïcha était la plus aimée de ses femmes. Donc ils dirent que Khadija était la meilleure par rapport au fait qu'il lui apportait secours dès le début et soutien lorsque la révélation lui est parvenue. C'est-à-dire l'un des moments, le moment le plus difficile de sa vie. Elle était là avec lui, à ses côtés. Et pour ce qui est du ilm et de la da'wah, d'accord, c'était Aïcha. Car c'est Aïcha qui a le plus appris de lui parmi ses femmes. Même parmi les femmes, Aïcha était la femme la plus savante. Donc elle apportait un grand khayr à la umma. Donc dans ce côté-là, c'est elle la meilleure. Khadija, elle, c'était du côté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de sa personne. Et Aïcha, elle, c'était plus du côté de la Umma. Taïeb. Donc là, on va s'arrêter ici aujourd'hui. Et l'arva. نعم خلاص وصلت الى باذن الله تعالى فيلا هنا والحمد لله رب العالمين